Dimensionen transfert, de marcher vers des compétences et des compétences, de la démocratie, de la liberté et du respect. Promouvoir l'excellence en éducation ne concerne pas seulement la quantité, mais dans plus grande mesure la qualité. De culture, nous parlons. Il y a des actifs incorporels qui devraient commencer tard, bien qu'il ne soit jamais trop tard pour commencer. Le début est la culture et est la chantillon de chacun. Le marché est contrôlé par la loi de l'offre et de la demande. Défaut du marché et du marché même. Dimension en transfert. Les extrémités sont corrigées avec des contrepoids. Donnant la priorité au respect des droits de l'homme, sans aucune étienne de leur part, ni entre les droits. Donnant la priorité au respect de l'espace, des animaux, domestiques et sauvages. Dans les conflits de l'extrême, cherchant la tranquillité perpétuelle pour les autres, que les propres cherchera bientôt à finir. Dimension en transfert. Plan à 0 degré ou légèrement en rotation. Un changement soudain en deux directions ne modifie pas la direction de l'inertie à l'intérieur. Tout changement devra être progressif. Se met de granit et en suit que la crédibilité se construit avec le temps et se renforce jour après jour avec les faits. Jules, le cavalier.